Ben, est-ce que tu fais un prospectus pour ton affiche? Ouais. Je fais t'en ramener. Ah, j'en ramène ce midi. C'est qui m'appelle? C'est lui. Je vois.